Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie française. Soleil, Cannes, Côte d'Azur. Armand coule une pré-retraite dorée. Une boutique de prêt-à-porter qui lui assure un revenu confortable, une petite amie charmante, une collection de vinyles impressionnante et un jardin secret. L'Aline Rock. Une terrasse surplombant la mer où tous les jours à la même heure, devant un poisson grillé, Armand s'isole, s'évade et rêve. Jusqu'au jour où Sophia, la patronne, lui annonce qu'elle va vendre. Sûrement, ma table est prête. Merci. Tout va bien ? Pas trop, monsieur Armand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui veut vous racheter ? Vous n'allez quand même pas vendre votre restaurant parce que deux petits voyous essaient de vous impressionner. T'as vu, je me suis fait des mèches. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Allez, dégage. Ça fait 2 mois qu'ils sont inquiétés, ils sont au bout du rouleau. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est comme ce gros con Francis qui met sa terrasse devant ta vitrine. Bah, vous êtes encore devant ma vitrine. C'est quoi ton problème ? En fait, je crois que je les attire, les mots. Je les attire, les mots. C'est quoi ton problème ? Qui veut vous racheter ? Mais c'est quoi ce bordel ? C'est qui ça, Maurice le siffleur ? Mon frère jumeau. Votre terrasse, là, elle est devant la vitrine de mon magasin. Mais demain matin, chacun chez soi. Sinon, j'ai appris que votre petit Jérémy était entré en 6e. Ça se passe bien ? Vous êtes qui, d'abord ? Moi, je suis le mec, vous savez, tout le monde dit. Il est gentil, mais faut pas qu'il s'énerve. Le siffleur, un DVD Fox Pathé Repas.